بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 71 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Le livre qui s'intitule Aqidatu Ahlus Sunnati wal Jama'a avec le sharh de Cheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymeen lui-même. Donc, hier on a commencé à expliquer Kitab Al-Iman ou Bil-Kutub, la foi en les livres. Donc on va continuer maintenant qu'est-ce qu'on a commencé à expliquer. Hier on avait expliqué certaines choses par rapport au fait que on doit croire en At-Tawrah, on doit croire en Al-Injil, on doit croire également en Al-Qur'an, on doit croire également en Az-Zabur, que la Torah a été donnée à Moussa alayhi salam et à l'Injil à Isa, Jésus fils de Marie, et Al-Qur'an révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et également Az-Zabur à Daoud, et on a également parlé de Suhuf Ibrahim wa Moussa, donc les pages qui ont été données à Ibrahim et à Moussa. Donc ça c'est les versets qu'on a expliqués. Ensuite on a mentionné des versets qui clarifient que le Coran, il est venu confirmer ce qui a été révélé auparavant, musaddiqan lima bayna yadayhi, et aussi que le Coran est venu abroger ce qui était révélé auparavant, c'est-à-dire wa muhaiminan alayhi, c'est-à-dire que le Coran il a le dessus sur tout ça. Puis ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen, il dit فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, par le Coran, il a abrogé tous les livres précédents et il s'est occupé et il s'est chargé lui-même de préserver le Coran de tous ceux qui pourraient essayer de le profaner ou de falsifier quoi que ce soit de ce qui est dedans. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il fait un commentaire par rapport à ce passage-là et il dit بينما الكتب السابقة لم يتكفل الله بحفظها ولهذا وقع فيها التحريف والكتمان قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ولكن هذا القرآن محفوظ لأنه لا يوجد كتاب أعظم تواترا منه ولا كتاب يقرأه الصغير والكبير من الأمة مثله. Donc ici, le cheikh, il explique que les livres qui ont été révélés précédemment, c'est-à-dire les livres qui ont été révélés avant le Coran, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'était pas chargé de les préserver, contrairement au Coran. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de le préserver. Et donc, étant donné que les livres précédents, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'était pas chargé de les préserver, eh bien, on a vu dans ces livres-là des falsifications et on a vu également que les gens du livre ont été capables parfois de même cacher le livre aux gens pour que les gens ne sachent pas qu'est-ce qui est dedans. Et ça, c'est connu même dans l'histoire des chrétiens, que c'est seulement les prêtres, les évêques qui pouvaient avoir accès aux livres. De un, parce que beaucoup d'entre eux, arrivaient à lire le latin, tandis que la population ne lisait pas le latin. Et également parce que il était caché, le livre. C'est pas tout le monde qui pouvait en avoir une copie. C'est pas tout le monde qui avait une copie de la Bible à portée de la main. Ça, c'est venu après. Aujourd'hui, tu peux acheter des Bibles, même partout, ils donnent des Bibles. Mais à cette époque-là, non. Parfois même, certaines personnes qui étaient trouvées avec des Bibles, ils pouvaient parfois être châtiés ou punis ou même tués parfois. Donc, ce n'était pas tout le monde qui avait le droit de lire. Et c'est pour ça que c'était facile pour eux de jouer avec ou de falsifier des choses. Tandis que le cheikh dit, tandis que le Coran, eh bien, il est accessible. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Et il n'y a pas un livre qui existe qui est plus mémorisé et plus lu par tous les musulmans, qu'ils soient petits ou grands, que le Coran. Il n'y a pas un livre semblable qui est autant lu par tout le monde. Et le cheikh, il a cité un verset dans Sourate Al-An'am. C'est le verset 91 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement les gens du livre et qu'est-ce qu'ils ont fait avec le livre précédent. Il dit قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au Muhammad, demande-leur qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens. Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie tout en cachant beaucoup. Donc c'est pour dire, il montre aux gens une partie du livre et l'autre partie il le cache. Ça c'est connu dans leur comportement et dans leur attitude. Le cheikh Ibn Uthaymin il dit ensuite, وَلِهَذَا لَوْ أَنَّ أَكْبَرَ عَالِمٍ زَادَ فِي الْقُرْآنِ لرد عليه العامي وهذا من نعمة الله عز وجل وحفظه للقرآن قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلا يمكن أن يحذف منه شيء لا تعلمه الأمة ولا أن يزاد فيه شيء لا تعلم الأمة بزيادته. Donc le cheikh il explique que n'importe quel, même si c'était le plus grand savant au monde, parmi les savants de l'islam, si il venait et qu'il voulait rajouter quelque chose dans le Coran, supposons que le plus grand savant, quand il vient pour diriger la salat, il veut rajouter quelque chose dans Surat al-Fatiha ou rajouter quelque chose dans un verset dans le Coran, eh bien, n'importe quel musulman ordinaire qui a mémorisé le Coran pourrait facilement le corriger et dire non, ça ne fait pas partie du Coran. Ça c'est une erreur. Et ça, c'est parce que le Coran est préservé. Le Coran a été préservé. Non seulement par écrit, mais également par la mémoire des gens, parce que les gens ont mémorisé le Coran. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le verset 9 dans Surat al-Hijr, certes nous avons fait descendre le dhikr, le Coran, et nous l'avons préservé, ou bien nous le préservons, c'est nous certes qui le préservons. Donc ça veut dire que personne ne peut retirer quoi que ce soit du Coran ou rajouter quoi que ce soit du Coran que la Oumma ne connaîtrait pas, ce ne serait pas possible à quiconque d'essayer de faire ça. Et Cheikh Ibn Uthaymin il dit ensuite, وَبِهَذَا نَعْرِفُ عِظَمَ ضَلَالَ الرَّافِضَةِ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ فِي الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَأَنَّهُ حُذِفَ مَا هُوَ مِنْهُ فَكَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَكَذَبُوا عَلَى الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ وكل دعوة بلا بينة فإنها باطلة فهم إما أن يقولوا هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله وهو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو ينكرونه أصلا أما أن يقر أما أن يقروا أنه كتاب الله ثم يقولون إنه وقع فيه حذف أو الزيادة فهذا غير ممكن لأنهم إذا أقروا أن هذا كلام الله لزمهم أن يقولوا لا زيادة فيه ولا نقصان أو ولا نقص لأن كلام الله محفوظ وتكفل الله بحفظه لا يزاد فيه ولا ينقص. Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, c'est pour ça qu'on connaît maintenant on connaît clairement l'égarement des Rafida, parmi les Shia, la secte qu'on appelle la secte des Rafida. C'est une parmi les sectes des Shia, et c'est la plus grande secte parmi les Shia. Et c'est une secte égarée et extrémiste et mécréante. Et parmi leurs égarements, il y a le fait qu'ils insultent les sahaba et déclarent les sahaba kuffar. Et en particulier Abu Bakr, radiyallahu anhu, ainsi que Omar et Uthman. Donc les plus grands de cette umma, pour eux, sont des mécréants, sont des kuffar. Ainsi que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha, radiyallahu anha. Celle que Allah subhanahu wa ta'ala a purifiée et innocentée dans les versets du Coran. Donc ils se permettent de la dénigrer et de l'insulter. De même que la majorité des sahaba. Et parmi leurs égarements et parmi leurs mécréances, il y a le fait que les Rafida adorent en dehors d'Allah les descendants de Ali radiyallahu anhu. Et ils les prennent comme des divinités en dehors d'Allah. Ils font du shirk avec eux. Ils ont construit au-dessus de leur tombe des tombeaux, des mausolées, où ils vont chaque année faire des pèlerinages. Et on retrouve dans ces lieux-là toutes sortes de formes d'idolâtrie et de shirk. Et également parmi leurs égarements, il y a le fait qu'ils ont accusé Jibril de s'être trompé dans la transmission de la révélation. Et ils ont dit qu'il devait venir révéler le Coran à Ali radiallahu anhu, mais il s'est trompé, alors il l'a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est parmi leurs égarements. Parmi leurs égarements également, il y a le fait qu'ils prétendent que le Coran qu'on récite actuellement a été falsifié. Et que il y avait auparavant, soit dit selon eux, la mention de la succession de Ali pour le khilafa. C'est-à-dire qu'ils prétendent que le khilafa de Ali était mentionné dans le Coran. Puis ils prétendent que les sahaba l'ont retiré par la suite. Et c'est pour ça que, selon eux, ils sont devenus mécréants. Ils sont devenus kuffar à cause de ça. Donc, on voit parmi les croyances de cette secte, des croyances d'égarement total. Sans compter que, également aussi, parmi leurs égarements, c'est qu'ils ont fait des descendants de Ali, radiallahu anhu, des demi-dieux, presque, des divinités. Puisqu'ils leur donnent des attributs divins et ils prétendent qu'ils connaissent l'invisible et qu'ils contrôlent le rayb, qu'ils contrôlent l'univers en dehors d'Allah et que c'est eux qui décident le moment de leur mort et que plein d'autres formes d'égarement qu'ils ont comme croyance par rapport à ceux qu'ils appellent les imams, les 12 imams. Parce qu'un des noms, un des autres noms de la secte des Rafida, c'est Al-Imamiyya. Et aussi, on les appelle Al-Ithna Ashriya, c'est-à-dire les duodécimains, ceux qui croient aux 12 parmi les imams. Et le 12e de ces imams, qui est, selon eux, Al-Imam Al-Mahdi, celui qui, depuis 1200 ans, est en état d'occultation, c'est-à-dire il est devenu invisible. Et que, selon eux, à la fin des temps, il va réapparaître pour châtier les sahaba, pour châtier Abu Bakr et Omar, et pour rétablir la justice. qui a été faite à, soi-disant, à Ahlul Bayt, comme ils le prétendent, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, c'est des exemples des égarements de ces gens-là. Et le Cheikh Ibn Uthaymeen, dans ce passage-là, il réfute en particulier l'égarement des Rafidah par rapport à leurs prétentions au sujet du Coran. Hein? Lorsqu'ils prétendent qu'il y a eu des ajouts dans le Coran, où il y a des choses qui ont été enlevées. Et ils ont certes menti à ce sujet-là. Et ils ont menti contre la Ummah de l'Islam. Et ils prétendent que ce sont eux les vrais musulmans. Et que les gens de Ahlus Sunnah sont des kuffar. Ce ne sont pas des musulmans pour eux. Parce que si quelqu'un, selon eux, n'a pas accepté de reconnaître Ali radiallahu anhu comme étant le vrai et le seul successeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, il est considéré selon eux comme étant un kafir automatiquement. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh, il dit, toute prétention qui est faite et qui n'est pas supportée par une preuve, alors cette prétention, elle est fausse. Et donc c'est soit qu'ils disent que le Coran que nous avons entre nos mains, c'est la parole d'Allah et c'est elle qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils doivent le renier complètement. Soit ils ont ce choix de l'accepter, ou bien ils doivent le renier. Et s'ils le renient, c'est clair que on va considérer que c'est des égarés et des mécréants, hein, puisque c'est le cas. Et il dit, tandis que s'ils récitent le Coran, parce que si tu vas en Iran là-bas, hein, si tu vas aller dans leur pays aujourd'hui et tu regardes les masahif qu'ils possèdent, c'est le même mushaf que nous, hein, c'est le même mushaf, il n'y a pas d'autre. Mais ils prétendent qu'il y a le vrai mushaf qui est caché, et que quand l'imam Mahdi va sortir à la fin des temps, celui qui est invisible depuis 1400 ans, depuis 1200 ans, hein, il est caché dans une grotte quelque part, ils l'attendent. Hein? Et bien, quand il va revenir à la fin des temps, il va ramener le vrai Coran, celui qu'ils appellent Mushaf ou Fatima. Ils l'appellent le Mushaf de Fatima. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils disent, il n'y a rien de ce qui est dans votre Coran aujourd'hui qui est dedans. C'est des fables, c'est des mythes qu'ils ont inventés. Allah musta'an. Mais sinon, le Coran qu'ils ont actuellement, c'est le même Coran que les gens de la Sunna. Il n'y a pas un autre Coran. C'est seulement des prétentions qu'on retrouve dans leurs livres et des accusations qu'on retrouve dans leurs livres. C'est pour ça que vous trouvez aujourd'hui, par exemple, parmi les kuffars, les juifs, les chrétiens et les athées, qui font des études soi-disant islamiques, parmi ceux qu'on appelle les islamologues ou bien les orientalistes, eh bien, vous allez voir que parmi eux, il y en a qui essaient toujours de jeter des doutes sur l'authenticité du Coran, ou bien qui essaient de remettre en question des choses sur la révélation du Coran, et ils se réfèrent toujours aux Rafida et aux Shia, hein, aux Shia Rafida, pour justement essayer de supporter leurs attaques et leurs accusations. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les kuffars ont toujours été alliés avec les rafidahs contre les musulmans. La même chose aussi au sujet de la sunna. Parce que les shi'as rafidahs, ils rejettent la sunna au complet. Hein? De la même manière qu'ils rejettent le Coran, ou qu'ils prétendent que ce n'est pas le vrai Coran, eh bien, les hadiths auxquels nous on se réfère, les gens de l'Ahlus Sunna, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi, Ibn Majah et les autres livres de hadith, Musnad al-Imam Ahmad, eux, les Shi'as, ils ne tiennent pas compte de ces livres-là. Ils ont leurs propres livres de hadith qu'ils ont fabriqués, hein, et qui sont rapportés par leurs imams. Et leurs hadiths, dans leurs hadiths, il n'y a pas de chaîne de transmission comme les hadiths des gens de la sunna. C'est juste l'imam un tel a dit, même si il n'a pas besoin de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, parce que l'imam, il est né avec la science infuse. Même quand il était à l'état de spermatozoïde, il était déjà omniscient, il savait tout, il n'a pas besoin d'apprendre du prophète, hein. C'est ça qui est écrit dans leur livre, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que, comme je dis, les kuffars et les rafidas, il y a toujours eu cette intime relation entre eux pour opposer la sunna et opposer le Coran et opposer l'islam. Donc il ne faut pas s'étonner, hein, quand on les entend, ces gens-là qui attaquent ou qui critiquent, qui remettent en question les hadiths et même qui critiquent, ils se permettent de critiquer les sahaba aussi, hein. Allah al-musta'an. Ils ont un prédécesseur chez les rafidas, hein. Allah al-musta'an. Donc c'est soit qu'ils disent que le Coran qu'ils ont, c'est la parole d'Allah qui a été révélée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est le vrai Coran, ou bien qu'ils le renient, hein. Et il dit, mais le fait de dire, comme ils le prétendent ou comme ils le disent, qu'il y a eu des ajouts où on a enlevé des choses, alors là, ça c'est pas possible, hein. Parce que si au début ils ont affirmé que c'est la parole d'Allah, alors ça implique qu'ils doivent, hein, ils doivent dire dans ce cas-là qu'il n'y a pas d'ajout dedans ni de choses enlevées, parce que le livre d'Allah a été préservé et Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de le protéger contre tout ajout ou tout enlèvement. Et c'est pas seulement, comme certains ulama ont expliqué, c'est pas seulement le texte du Coran qui a été préservé, c'est-à-dire la lettre, les lettres, mais également son interprétation et sa compréhension par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ نَجِدُ التَّحْرِفُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قُلْنَا لكن هل وجدت تحريفا لم يرد عليه بل كل تحريف لكتاب الله فإن الله قيض له من يبطله ويبينه وعليه فلا ينافي حفظه بل قد يكون هذا أبلغ في حفظه أن يعتدي عليه معتد بالتحريف ثم يقيض الله له من يبين بطلانه لأن الله تعالى قد يسلط على شرعه أو بعضه من ينكره حتى يقوم قائم لينصره ويتبين بذلك الحق من الباطل. Donc le cheikh il dit, on a trouvé, peut-être que quelqu'un va dire, on a trouvé déjà des falsifications dans le Coran, ou bien certaines copies du Coran qui ont été falsifiées. Et le cheikh il dit, est-ce que vous avez trouvé une falsification qui n'a pas été réfutée? Hein? Non. Hein? Toute copie du Coran qu'on pourrait trouver, et c'est déjà arrivé peut-être qu'il y a eu une erreur d'impression dans un mushaf ou quelque chose comme ça, automatiquement qu'on le retrouve, on le signale et on les détruit, hein, ces copies-là. Et ça, c'est arrivé, ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai acheté un mushaf à Mecca qui était imprimé en Syrie. Et puis, quand j'ai lu Surat al-Isra dedans, j'ai vu qu'il y avait un verset qui avait été enlevé. Yani, subhanallah. Le verset 7, il était enlevé. Une partie du verset était enlevée. Peut-être c'était une erreur d'impression. Il y a eu plusieurs comme ça. Hein? Puis c'est des copies qui ont été imprimées. Et il n'y a aucune référence, ni au début ni à la fin, pour savoir qui l'a imprimé, de quel pays, est-ce qu'il y a eu aucune vérification, aucun numéro de série, rien. Donc tu vois que c'est peut-être des gens qui ont fait ça intentionnellement pour essayer justement de créer des la fitna avec ça. Mais comme on l'a dit déjà, yani Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il y a une attaque ou une tentative, hein, de falsification ou de critique contre la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène quelqu'un parmi les ulama pour le réfuter et pour montrer sa fausseté et pour clarifier, hein, que cette chose-là est fausse. Et ça même, ça fait en sorte que par la suite, la vérité devient encore plus forte et encore plus claire. Il dit, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il fait que un d'entre les ennemis de l'islam attaque quelque chose de la révélation ou bien une partie de la religion pour que se lève un d'entre les savants de l'islam pour justement le réfuter et défendre la vérité et pour faire en sorte que la vérité soit distinguée de ce qui est faux. Et ça, ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'il y ait, comme ça doit l'être, un combat entre la vérité et le faux jusqu'à la fin des temps. Parce que ça, c'est la sunna d'Allah. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité le verset 9 dans Surat Al-Hijr encore une fois, et il l'a expliqué par la suite. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Le Cheikh, il dit, qawluhu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. هذه الآية الكريمة في غاية ما يكون من العظمة ففيها تأكيد بإن في قوله إن الأولى وكذلك ضمير الفصل نحن ولهذا لو كانت الآية إن نزلنا لاستقام الكلام ولكن قال نحن إشارة إلى التوكيد وأنه نزل من عند الله لا من عند غيره ثم جاءت بصيغة العظمة إشارة إلى عظمة منزله عز وجل ثم أكد حفظه بقوله وإنا وهذه للتوكيد لحافظون اللام للتوكيد أيضا وقدم المعمول له على العامل حافظون إشارة إلى العناية به وإلا فإن الله يحفظ القرآن وغيره ولكن تخصيصه بالذكر إشارة إلى العناية بحفظه. Donc le Cheikh, en fait, il analyse le verset. Il analyse le verset et il nous montre, en fait, comment Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il a mis confirmation et il a confirmé les choses par plein d'exemples d'emphase qu'il a mis et de choses pour venir comme on dit tawkid, c'est-à-dire pour venir renforcer la signification du verset. Donc il dit par exemple quand Allah subhanahu wa ta'ala dit inna, eh bien en arabe le in c'est pour rajouter de la force. C'est pour rajouter de la force à ce qui est dit. Donc il dit inna. Donc ça c'est un tawkid. On appelle en arabe un tawkid. C'est-à-dire pour confirmer quelque chose. Puis après il le confirme une deuxième fois avec le nahnu, le damir, le pronom. Nahnu, c'est-à-dire nous. Et donc il dit inna nahnu nazzalna. C'est-à-dire, encore une fois, il utilise à la fin du verbe nazzal, il utilise le damir, le pronom du pluriel, encore une fois, qu'on appelle en arabe damirul adama, c'est-à-dire le pronom de grandeur et de majesté. Donc, il confirme encore une fois avec ce pronom de grandeur et le fait qu'il utilise le pluriel. Nazzalna dhikra wa inna, encore une fois il rajoute un autre in pour confirmer nahnu la hafidhun. La hafidhun, le lam devant la hafidhun, ça aussi c'est le tawkid, c'est pour rajouter encore du renforcement et de la certitude. Et la hafidhun wa inna lahu la hafidhun, il a mis il a dit qaddam al ma'mul ala al amil, donc le sujet il a été placé après le sujet est placé après l'objet, c'est ça, l'objet est mis avant le sujet. Quand on inverse la phrase de cette façon-là et on met l'objet avant le sujet, eh bien, ça montre comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné encore plus d'attention et plus d'importance à la chose qui est mentionnée. Et donc, ici, c'est le Coran. Donc, c'est pour dire qu'il a donné au Coran encore plus d'attention et qu'il l'a préservé parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui préserve toutes choses. Mais le Coran, il l'a préservé de façon encore plus particulière que les autres. Hein? Et c'est pour ça qu'il a spécifié le dhikr, hein, pour montrer comment il a donné beaucoup d'attention à ce que ce livre-là soit préservé. Donc on voit ça, yani, subhanallah. Comment en une phrase très courte, on est capable, Allah subhanahu wa ta'ala, il répète le pronom nous, attendez, inna, ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, plus que quatre fois, il répète encore le pronom, hein, nous, de grandeur, dans le verset. Plus il mentionne inna deux fois, et le lam, hein, encore une fois. Donc, ça fait beaucoup de choses que Allah subhanahu wa ta'ala a rajouté dans ce verset pour confirmer et certifier qu'il s'occupe de préserver ce livre contre toute déformation ou toute falsification. Et aujourd'hui, les kuffars, c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils essaient de déformer le livre d'Allah. Ils savent que, ils savent, même les gens de bid'a, ils savent qu'ils ne sont pas capables de déformer le texte ou de changer le texte. Alors, ils travaillent maintenant pour essayer de faire en sorte de changer la compréhension du texte ou de déformer, hein, sa compréhension pour que par la suite ils puissent jouer avec le sens pour égarer les musulmans, hein. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il a préservé le texte, mais il a aussi préservé sa compréhension et son application. C'est pour ça que tu entends souvent des koufars qui disent: mais vous les musulmans, depuis 1400 ans, vous n'avez jamais changé encore, hein. Et ils disent après nous, les juifs et les chrétiens, on a changé. Hein, on a adapté notre religion et nos textes selon l'époque, selon les lieux, selon la place. Tandis que vous, les musulmans, vous ne voulez pas changer. Et la réalité, c'est que l'islam, il y a des principes et des règles dans l'islam qui permettent, hein, à ce qu'on puisse l'appliquer. Hein, peu importe l'endroit, peu importe l'époque, peu importe le lieu, hein, sans déformer la réalité du message, hein, sans déformer la réalité du message et la pureté du message. Toutefois, eux, leur religion, étant donné que de toute façon Allah subhanahu wa ta'ala l'avait pas révélé pour que ce soit un livre qui pour que ce soit des livres qui soient suivis jusqu'à la fin des temps, ou bien pour que ce soit suivi par tous les hommes sur terre en même temps, c'était des révélations limitées dans le temps à une époque, c'est-à-dire l'époque avant l'islam, et limitées aussi dans le par rapport au peuple, puisque chaque peuple avait sa propre révélation. Et ça, c'était avant l'islam. Mais après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit venu, eh bien maintenant, ces livres-là, ils n'ont plus à être suivis. Maintenant, ça a été abrogé par le Coran et par la Sunna. Donc, c'est pour cette raison que, même si ces livres-là n'ont pas été préservés, les livres précédents, c'est pas grave, de toute façon, parce que la guidance, elle existe encore. Et les gens peuvent être guidés s'ils reviennent à la guidance qui a été ramenée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, dans le Coran et dans la Sunna. Après, le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit: لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. Donc il dit pourquoi Allah l'a préservé, parce que il reste une preuve, hein, et un argument contre la création, contre toute la création, jusqu'au jour de la résurrection, hein. Et c'est pour cette raison que Allah l'a préservé, parce que il sait que c'est le dernier livre. Il n'y a pas de livre qui va être révélé après. Il n'y a pas de messager qui va venir après. Donc, il a fait en sorte que ce livre-là soit gardé et préservé, contrairement au livre précédent. Et si on regarde l'histoire, hein, de l'humanité, et comment les choses étaient avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comment les choses sont devenues à partir de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin, on voit que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle était apparente et claire, hein, dans ça. Et le Cheikh, il explique, Ibn Uthaymin, à ce sujet-là, il dit: قوله لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. Il dit إلى يوم القيامة يعني إلى قرب يوم القيامة. لأنه قد جاء في الآثار أن القرآن ينزع في آخر الزمان من الصدور ومن المصاحف حتى يصبح الناس ليس في مصاحفهم ولا في صدورهم حرف من القرآن. وهذا والله أعلم إذا أعرض الناس عن كتاب الله ولم يعملوا به ولم يرفعوا به رأسا، فحينئذ سيبقى في مجتمع ليسوا أهلا له، لأنهم أهالوه، فيرفعه الله عز وجل حماية لكتابه من الإهانة. Donc le cheikh il dit, subhanallah, quand il dit qu'il va être préservé jusqu'au jour de la résurrection, il dit, c'est-à-dire, pour être plus précis, jusqu'à un temps proche du jugement dernier ou du jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il y a des narrations qui mentionnent que le Coran, à la fin des temps, sera retiré des poitrines, des cœurs, c'est-à-dire les gens qui l'ont mémorisé, Allah va le retirer de leur cœur, et il va être également effacé des masahif, des livres. C'est-à-dire, quelqu'un va ouvrir le mushaf, il n'y aura plus de lettres dedans. Il n'y aura plus de mushaf, il n'y aura plus le Coran écrit dedans. Ça, c'est à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala va retirer le Coran de la terre. Et il dit, c'est parce que, il dit, et Allahu a'lam, la raison de ça, c'est parce que les gens se seront détournés du livre d'Allah et qu'ils ne l'appliqueront plus et ne lui donneront plus d'importance. Et donc, à cause de ça, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va l'enlever de la terre. Et il ne restera plus aucune copie du Coran et aucun cœur qui aura à l'intérieur une mémorisation du Coran quelconque. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire ça dans le but de préserver le Coran pour qu'il ne soit pas humilié et dénigré. Et le cheikh il dit ensuite, كما أن الكعبة شرفها الله حفظت من الفيل ومنع من الوصول إليها وسيسلط عليها رجل من الحبشة قصير القامة أفحج الرجلين سينقضها حجرا حجرا. الله أكبر. الفيل يصد عنها، وهذا الرجل القصير المهين يصلت عليها، وهذا والله أعلم يكون إذا أهان الناس بيت الله بالمعاصي والفسوق والفجور وغير ذلك حتى يصبح بيت الله لا مقام له فيهم، فيصلت عليه هذا الرجل فينقضه حجرا حجرا. Le cheikh il dit, de même que la Kaaba que Allah a honoré, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait préservé contre l'éléphant à l'époque de Abraha, lorsqu'ils étaient venus c'était l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'il est né à l'année de l'éléphant. Donc c'était le roi d'Éthiopie qui avait envoyé Abraha pour faire détruire la Kaaba. Parce que ils avaient construit une grande cathédrale en Yémen, cathédrale chrétienne pour les chrétiens au Yémen, et ils voulaient que les Arabes ne cessent d'aller à la Kaaba et qu'ils prennent à la place de la Kaaba le lieu de rassemblement dans cette cathédrale, dans cette église là. Alors ils sont partis pour essayer de venir démolir la Kaaba et ils ont ramené avec eux des éléphants. Et lorsque les éléphants sont arrivés devant la Kaaba, eh bien ils se sont arrêtés, ils n'avançaient plus. Donc c'est pour dire, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a préservés. Et puis comme c'est mentionné dans Sourate Al-Fil, il a fait venir des oiseaux hein, avec des pierres d'argile pour les tuer. Yani. Donc c'est pour dire que Allah l'avait préservé, la Kaaba, à ce moment-là. Toutefois, à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un homme. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un homme. Et il va, cet homme-là, hein, il est un homme court, il n'est pas grand, de taille. Hein, et avec il va venir, en tout cas, il va démolir la Kaaba pierre par pierre. Hein, à la fin du temps. L'homme style. Donc, il dit, regardez comment l'éléphant n'a pas été capable de démolir la Kaaba. Tandis que cet homme insignifiant et petit, il va arriver, il va la démolir pierre par pierre. Il dit, pour quelle raison il va être capable de faire ça? Il dit, Allahu a'lam, Allah sait mieux, mais c'est probablement parce que à ce moment-là, les gens auront dénigré la maison d'Allah, la Kaaba, par les péchés, la perversité et la transgression. Hein? Et donc, étant donné que les gens n'auront plus de respect pour la maison d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que cet homme-là puisse venir et qu'il sera capable de la détruire. Hein? Allah al-musta'an. Donc, le shaykh, il dit, وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ نَزَلَ عَلَى مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ كِتَابٌ نزل مفرقا إلا القرآن ولهذا قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يعني كسائر الأنبياء فقال الله تعالى مبينا أن له فائدة عظيمة أعني تنجيم القرآن فقال كذلك أي أنزلناه لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فلو نزل جملة واحدة ما كان هناك تثبيت للفؤاد كما لو نزل مفرقا فإذا نزل مفرقا تجدد الوحي وهذه واحدة والثانية بين الله تعالى الحكمة الأخرى فقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Donc, le cheikh, il dit que la Torah et l'Injil, ils ont tous les deux été révélés à Moussa et à Issa, hein, à Moïse et à Jésus, d'un seul coup. Ils n'ont pas été révélés par période ou par étape. Contrairement au Coran, qui, lui, a été révélé sur une période de 23 ans. Et selon les situation et les événements. Et le cheikh, il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne même dans Surat al-Furqan la parole des kuffars. Hein? Et les kuffars, ceux qui ont mécru, ont dit, hein, pourquoi le livre n'a pas été révélé une seule fois, hein? En une seule fois, comme ça a été le cas pour les autres prophètes. Et le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, hein, dans un autre verset, le bienfait qu'il y a, le grand bienfait qu'il y a dans le fait d'avoir séparé la révélation du Coran sur différentes périodes. Et il a mentionné cette réponse-là justement dans le verset 32, dans Surat Al-Furqan. Et donc, qu'est-ce qu'il mentionne? Une des sagesses ou une des raisons pourquoi le Coran a été révélé sur différentes périodes ou par différentes parties. Il dit, nous l'avons révélé ainsi, il dit ce qui signifie, nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Donc chaque fois qu'il y avait une situation difficile, ou il y avait une chose qui se présentait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre un verset qui en même temps raffermissait le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le cœur des croyants, et il dit, et nous l'avons récité soigneusement. Et ça, c'est la première raison pour laquelle, hein, Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre le Coran en plusieurs fois. Tandis que si le Coran était révélé d'un seul coup, eh bien, il n'y aurait pas eu ce raffermissement du cœur de la même manière. Et la deuxième raison, ou la deuxième explication, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 106, dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit, et un Coran, nous avons fait descendre un Coran, et nous l'avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. Ça, c'est une autre sagesse. Une autre raison pourquoi Allah l'a fait descendre graduellement, c'est pour que ce soit plus facile pour les gens de le mémoriser et pour être capable de l'apprendre plus facilement. Puisque, étant donné qu'il est révélé graduellement, chaque fois qu'une partie descend, les gens peuvent l'apprendre et le mémoriser. Puis, comme ça, quand une autre révélation arrive, eh bien, ils l'apprennent également, et ça permet en même temps aussi de bien le comprendre, parce que à chaque événement, à chaque situation, eh bien, il y a des versets qui sont révélés, et donc de comprendre dans quel contexte le verset est révélé, ça permet de mieux comprendre justement le sens de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces versets-là. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit رحمه الله أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les livres précédents, eh bien, ils étaient révélés pour une période précise. Hein? Et c'est-à-dire que la période jusqu'à laquelle ces livres précédents allaient être abrogés par un autre livre qui allait venir ensuite. Et il dit, le cheikh, il dit que ça explique également en même temps comment ou pourquoi il y a eu des falsifications et des changements, des modifications dans ces livres-là. Et il mentionne à ce sujet-là, il dit فالكتب السابقة مؤقتة بوقت وهو وقت دوام الرسالة بالنسبة للرسول الذي نزل عليه الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من التحريف والتغيير. Donc le cheikh il dit donc les livres précédents étaient révélés pour un temps bien précis, c'est-à-dire le temps qui correspond à la mission du prophète avec qui ce livre-là avait été révélé. Donc il a besoin que ce livre-là soit préservé jusqu'à ce que il soit abrogé. Hein? Et une fois que le livre en question est abrogé, hein, eh bien, c'est plus nécessaire par la suite, ou bien disons, s'il est changé ou falsifié par la suite, hein, eh bien, ce n'est pas si grave que ça, puisque de toute façon, le livre qui vient après, il est préservé contre justement les modifications et les changements. Et le cheikh il cite à ce sujet le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Jabir radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les prophètes avant moi étaient envoyés pour leur peuple en particulier, tandis que moi j'ai été envoyé pour les hommes en général, pour tous les hommes, sans exception. Donc le message de l'islam, il a cette particularité-là, qu'il est envoyé pour toute l'humanité sans exception. Tandis que les prophètes précédents, ils étaient venus pour un peuple spécifique. Par exemple, Moussa et Isa, hein, alayhim as-salam, qui sont venus, eux en particulier, pour Bani Israël, les fils d'Israël, et non pas pour toute l'humanité. Et donc, la validité de ces révélations précédentes, elle termine au moment où leur livre est abrogé. Hein, et c'est ce qui explique pourquoi il y a eu des falsifications et des changements dans les livres précédents. Ensuite, il dit le cheikh Walihada, hein, et regardez aujourd'hui les juifs. Mettez n'importe quel juif au défi. Essayez d'appliquer votre livre tel qu'il existe actuellement. Essayez de le mettre en pratique. Ils ne sont pas capables. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont été obligés de le falsifier eux-mêmes et de changer beaucoup de choses dedans. Et même si le texte, ils ne l'ont pas changé, ils ont été obligés de changer la compréhension et l'application qui est reliée à ces textes-là, parce que ce n'est pas applicable, hein, ce n'est pas pratique. Et c'est pour cette raison-là que leur religion, elle est extrêmement compliquée. Hein. Il y a des juifs qui m'ont mentionné que quand c'est le samedi, par exemple, ou le vendredi, après le coucher de soleil, ils n'ont plus le droit d'allumer la lumière ou de l'éteindre. C'est-à-dire, si elle était allumée, ils ne peuvent pas l'éteindre. Et si elle était éteinte, ils ne peuvent pas l'allumer. Hein? Même que je me rappelle, dans un immeuble où j'habitais, il y avait des juifs comme ça. Et par exemple, quand ils n'avaient pas de... Ils ne pouvaient pas rentrer dans l'immeuble, parce que pour rentrer dans l'immeuble, il faut sonner. Et ils n'ont pas le droit d'utiliser l'électricité, donc ils ne peuvent pas sonner. Alors, ils laissaient toujours soit une clé en haut de la porte pour que ceux qui sont juifs, hein, ils vont pas être obligés de sonner, ou bien parfois eux-mêmes ils brisaient la porte. Yani, on arrivait souvent comme la porte d'entrée en bas et elle se barrait plus, yani, elle se bloquait plus, hein? Donc ça devenait même insécuritaire, hein? Donc c'est pour dire, yani, Allah Musta'an. Et j'ai entendu des histoires comme ça aussi. Il y avait un livreur ou un facteur qui passait pour donner le courrier. Et puis la femme juive qui demande au facteur, est-ce que vous pouvez venir à l'intérieur pour allumer la lumière ou pour faire quelque chose? Nous, on n'a pas le droit. Hein? Donc il demande à un non-juif de venir pour le faire pour eux. Donc c'est pour dire, yani, subhanallah, comment cette religion est compliquée. Même ils ne peuvent pas utiliser leur voiture. Hein? Certains ne peuvent même pas rouler la voiture ce jour-là. Donc yani, ils considèrent que ça rentre dans la définition du travail. Je suis rentré chez un... Ça, ça n'a pas rapport, mais... Je suis rentré dans un restaurant juif l'autre jour, j'ai demandé un cheeseburger. Ils m'ont dit, on n'a pas de cheeseburger ici parce qu'on ne peut pas mélanger le fromage avec la viande. Donc, une de leurs règles, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas le droit de mélanger les produits laitiers avec la viande. C'est pour ça que quand je suis allé en Jordanie, un des plats favoris des Jordaniens, c'est la viande cuite dans le lait. Hein? Peut-être, je ne sais pas si ça a un lien, pourquoi ils ont fait cette recette, pour dire si jamais il y a un juif qui veut se faire passer pour venir faire comme un espion pour s'infiltrer avec les musulmans, ils vont lui faire manger ça. En tout cas, yani, ça c'est juste des idées comme ça, que des réflexions parfois que... des choses que j'ai observées. En tout cas, pour revenir à qu'est-ce que le cheikh il explique ensuite, il dit walihada lam takun ma'soumatan minhu. Lam takun ma'soumatan minhu faqad waqa'a fiha at-tahrif waz-ziyadatu wan-naqs. Donc cheikh Ibn Uthaymin, il dit donc ces livres précédents, ils n'ont pas été préservés ou protégés de déformations et des falsifications, des ajouts et des choses enlevées, hein, que des choses soient ajoutées ou enlevées dedans. Et c'est pour ça que même des fois tu regardes dans leurs livres, ils ont plusieurs manuscrits, plusieurs vulgates, plusieurs textes. Dans certains il y en a plus, dans certains il y en a moins, hein. Et donc il n'y a pas vraiment de consensus, surtout si on sait que dans les livres qui sont maintenant utilisés par les chrétiens et les juifs, il y a des différences entre eux selon les sectes. Par exemple, la Bible chrétienne catholique, c'est pas la même que la Bible protestante. La Bible catholique, elle a 14 livres de plus que la Bible catholique. Donc ils ont même pas le même nombre de livres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même nombre de livres dans la Bible protestante et la Bible catholique. Hein? Donc la Bible catholique est plus épaisse que la Bible protestante. Hein? Et c'est au moment où, par exemple, comme j'expliquais une fois, quand ils ont fait le concile de Nicée, et qu'ils ont voulu décider quel manuscrit ou quel texte allait être introduit ou inclus dans le Nouveau Testament, hein, ils ont procédé par vote. Hein. Donc ça veut dire que les textes qui ont été votés, ils ont dit bon, ça on va les inclure, ça fait partie du texte canonique, hein, qui est accepté. Puis les livres qui n'ont pas été votés ou qu'ils n'ont pas accepté, hein, ils ont dit ça c'est des apocryphes, c'est pas des, on les accepte pas dans le texte, dans la Bible. Hein? Donc c'est pour ça que quand tu dis le mot Bible là, ça veut pas dire la Torah. Et quand tu dis le mot Bible, ça veut pas non plus dire l'Injil. Bible, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la Bible? C'est pas le même livre, comme le cheikh l'a expliqué. C'est pas les mêmes livres que ceux qui a été révélé à Moussa ou ceux qui a été révélé à Isa. C'est des choses qui ont été changées, des choses qui ont été falsifiées. Soit ils ont rajouté ou enlevé des choses dedans. D'accord? Et donc, c'est ça. La plus grosse partie du Nouveau Testament sont des lettres écrites par Paul. Paul n'était même pas un apôtre parmi les apôtres de Jésus. Il n'était même pas avec Jésus pendant qu'il était sur terre. Hein? Il n'était pas avec lui. Même que dans les récits là des chrétiens, ils avouent eux-mêmes que Paul était un citoyen romain de religion juive ou d'origine juive. Il avait la citoyenneté romaine. Il était un juif qui avait étudié avec un des grands rabbins de son époque. Donc il connaissait la loi romaine et il connaissait la religion juive, parce qu'il a étudié les deux. Et qu'à cette époque-là, il faisait partie des gens qui torturaient et donnaient la vie dure aux gens qui avaient cru à Isa. Puis sur le chemin vers Damas, il prétend qu'il a entendu une voix, supposément que c'est Jésus qui lui est apparu, puis qui lui a dit « Pourquoi m'as-tu persécuté ?» ou des choses comme ça. Puis à partir de ce moment-là, il s'est déclaré bon chrétien, puis il est allé retrouver les apôtres, ceux qui ont vécu avec Jésus, puis c'est lui qui est devenu leur chef. C'est ça la chose la plus incroyable. Quelqu'un qui n'était même pas avec Jésus, c'est lui qui vient pour dire aux autres apôtres qui ont vécu avec Jésus, c'est quoi le message de Jésus? Ça ne fait pas de sens. Et c'est comme ça que beaucoup de théologiens chrétiens, même eux-mêmes, ils disent le vrai fondateur du christianisme tel qu'il existe aujourd'hui, c'est pas Jésus, c'est Paul. C'est lui qui a vraiment fondé l'église chrétienne telle qu'elle est connue. Et Paul, il a justement changé beaucoup de choses dans les enseignements de Jésus. Et c'était intentionnel. Hein? Et c'est connu ça parmi les stratégies des koufars, de créer des divisions en propageant des égarements et des fausses croyances, comme c'est arrivé également plus tard, même dans par exemple après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la personne qui s'appelle Abdullah ibn Saba, hein, un juif du Yémen, qui lui aussi s'est fait passer pour un musulman et qui a essayé justement de propager les fausses croyances parmi les musulmans. Et c'est ce qui a fait qu'on a vu apparaître par la suite la secte des Rafidans, des Shia. Donc c'était un juif yéménite qui était à l'origine de cette secte-là. Donc la même chose aussi, qu'est-ce que les juifs ont réussi à faire avec les chrétiens, hein, en créant ces différentes croyances avec le christianisme pour le corrompre? Eh bien, ils ont essayé de faire la même chose avec l'islam. Hein? Mais, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé, l'islam. Donc, le shaykh, il dit ensuite, وَقَوْلُهُ وَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ مَعْصُومَةً مِنْهُ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا فَقَدْ وَقَعَ فِيهَا التَّحْرِيفُ وَالزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ هَذَا فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ لِأَنَّ أَصْلَهَا لَيْسَتْ نَازِلَةً لِلدَّوَامِ بل هي مؤقتة Donc il dit, c'est ça, les livres précédents, à la base, ils n'étaient même pas révélés pour rester pour toujours. C'était pour un temps spécifique. Donc c'est pour cette raison-là que on peut comprendre pourquoi il y a eu des changements et des falsifications dedans. Ensuite, le cheikh il a cité d'autres versets pour montrer certains exemples de falsifications qu'ils ont mentionnés par rapport aux livres précédents. Le verset 46 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Man alladhi hadu min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Hein? Parmi les juifs, il y en a qui déforment les paroles de leur contexte. Et le verset également dans sourate Al-Baqara, le verset 79, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Et le verset 91 dans sourate Al-An'am: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. Et le verset également, c'est le verset dans Surat Al-Imran 78 à 79, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Donc ça c'est les versets que le cheikh il a mentionné, puis il mentionne également un autre verset, le verset 15 à 17 dans sourate Al-Ma'ida: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Donc on va, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lire ces versets, on va lire la traduction de ces versets, puis on va en expliquer quelques-uns, puis ensuite on va arrêter. Les versets que le cheikh a cités, je vais vous les traduire maintenant. Parmi les juifs, certains, donc comme j'ai dit, ils détournent les mots de leur sens. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Et l'autre verset qui a été mentionné: فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. Malheur donc à ceux qui, pour tirer un vil prix, composent un livre de leurs propres mains, puis disent: ceci vient d'Allah. Malheur donc à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour le prix qu'ils en ont reçu. Et également l'autre verset qu'on a lu par la suite qui signifie: dit, qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les hommes? Vous le mettez en feuillet dont vous montrez une partie et dont vous dissimulez beaucoup. Et les autres versets qu'on a cités ensuite dans sourate Al-Imran: et en vérité certains parmi eux tordent leur langue, hein, pour faire croire qu'ils lisent les Écritures, alors que ce qu'ils lisent ne fait pas partie des Écritures. Et ils disent: ceci vient d'Allah, alors que cela ne vient pas d'Allah. Ils forgent ainsi sciemment des mensonges qu'ils osent imputer à Allah. Il n'est permis à aucun homme ayant reçu d'Allah les Écritures, de la sagesse et de la prophétie, de dire aux gens: soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Et le dernier verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: aux gens du livre, notre messager vous est effectivement venu pour vous montrer une grande partie de ce que vous cachiez du livre, jusqu'à la fin des versets où il dit à la fin: en vérité, ils ont rejeté la foi, ils ont mécru ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie. Hein? Ceux qui affirment ou qui prétendent la divinité de Jésus. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à leur sujet que ce sont des mécréants, des kuffars. Donc, pour revenir avec les versets qu'on a cités, on va expliquer le premier, puis on va s'arrêter, inshallah, par la suite. On continuera le reste de la semaine prochaine, inshallah. Le premier verset que le Cheikh a cité, c'est le verset 46 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux parmi les juifs qui ont falsifié le livre, qui ont déformé les mots de leur sens, ou bien qui ont falsifié les mots de leur contexte. Le Cheikh dit wa hada fiha شيء محذوف هذا فيه شيء محذوف من ومن الذين هادوا من الذين هادوا هذا فيه شيء محذوف أي من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه والذين هادوا هم اليهود واليهود أجرأ الناس على الله ورسوله يصفون الله بالنقص والعيب ويقتلون الأنبياء بغير حق ويحرفون الكلمة عن مواضعه عندما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة فهم أجرأ الناس على الله وعلى رسله وكتبه قاتلهم الله أنى يؤفكون. Donc le Cheikh il dit que ici dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala commence en disant ومن الذين هادوا, il dit ici, il y a quelque chose qui est sous-entendu dans le verset, c'est-à-dire parmi les juifs, c'est-à-dire parmi ceux qui, parmi les juifs, il y en a un groupe qui déforme les propos de leur contexte, c'est-à-dire Alladhina Hadou, c'est-à-dire les juifs. Et il dit que les juifs sont les gens les plus effrontés dans leur opposition à Allah et à son messager. Ils décrivent Allah par des défauts et par de la faiblesse, comme par exemple lorsqu'ils disent وقالت اليهود يد الله مغلولة, les juifs ont dit la main d'Allah est fermée, en voulant dire que Dieu est avare, Allah subhanahu wa ta'ala est avare. Oui, c'est ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils disent que sa main est fermée. Donc, et parmi les exemples de dénigrement et d'insultes, le fait de dire par exemple que il s'est reposé le septième jour, comme s'il était fatigué d'avoir créé les cieux et la terre. Donc ça fait partie des exemples, et beaucoup d'autres choses aussi, oui, comme inna allaha faqirun wa nahnu aghniya, ils disent que Allah est pauvre et que eux sont riches. Donc ça fait partie des exemples. Et aussi ils tuent les prophètes d'Allah et ils déforment les paroles d'Allah de son contexte. Et lorsqu'on leur a dit par exemple dites hittatun, c'est-à-dire demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils ont changé la parole, au lieu de rentrer prosterné et de dire hitta, eux ils sont rentrés assis sur leur derrière et ils disaient hintatun, Hinta, c'est comme une graine ou quelque chose comme ça. Au lieu de dire il y a une repentance, ou pardon. Donc ça veut dire que ils jouent avec la religion, ils prennent pas la religion au sérieux. Ils en font un sujet de plaisanterie, Allah musta'an. Et donc c'est les gens les plus effrontés, vis-à-vis d'Allah et de son messager et de ses livres, que Allah les maudisse. Comment vont-ils revenir? Donc le Cheikh il explique ça, puis après il va continuer l'explication des autres versets. On va laisser ça pour la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.